femme qui viennent de toi. Tu marches devant et nous suis. Tu marches derrière et nous précède. Car tu es tout, enfer et paradis, clair et obscur. Tu es femme, le jour, la nuit. Tu donnes la vie et reçois la mort. Tu es le vide qui crie le plein, toujours René, femme éternelle. Reçois la mort, tu es le vide qui crée le plein. Toujours renaît, femme éternelle.